Franco, d'Ouiman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. La ministre de la Justice déclare avoir recouvré plus de 17 milliards de francs burundais versés au trésor public. Les détenus s'occupent utilement des activités génératrices de revenus. Voilà quelques points à mettre à l'actif de son ministère au cours de l'exercice 2022-2023. Son bilan des réalisations a été présenté ce mercredi. Et la commission Vérité et Réconciliation dit avoir identifié plus de 11 000 personnes ayant sauvé des vies humaines pendant la crise de 1972. Certains ont donné leur témoignage au cours d'une conférence organisée ce mercredi par cette commission. Et des transporteurs en commun se plaignent de ne pas trouver du carburant pour leurs activités quotidiennes et affirment que même les 20 litres servis actuellement aux consommateurs par les stations-service n'en suffisent pas. Et une altercation dans un couple de Kayanza a tourné mal. L'homme actuellement alité est gardé par la police à l'hôpital Kayanza et dont la partie génitale ne cesse de saigner réclame des enquêtes impartiales sur cette affaire. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 20 litres de carburant servis actuellement aux consommateurs par les stations-service ne suffisent pas, se plaignent les transporteurs en commun qui, malgré cela, trouvent bien penser le respect de l'alignement devant les stations, ce qui leur donne l'espoir d'être servis dans l'ordre. Ils demandent au ministère en charge de l'énergie de trouver une solution durable à la pénurie répétitive de carburant qui paralyse les activités de développement. Jean-Marie Mayonga, reportage. Dans différentes stations visitées le matin de ce mercredi, certains transporteurs nous ont signalé que la quantité d'essence distribuée le soir de ce mardi n'a pas duré assez de temps à cause de l'effectif et de ceux qui en avaient besoin. À la station Interpétrole, à côté de l'ex-PAF, le carburant reçu n'a pas été servi à tous les nécessiteux et jusqu'à 8h du matin de ce mercredi, aucune goutte dans les réservoirs était trouvée à cette station. À la station Mogas, juste à côté de l'endroit appelé Face à Face, de longues files d'attente s'observent. Certains chauffeurs qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros nous ont dit qu'ils travaillent à perte et précisent que même les 20 litres distribués ne font rien car ils ne peuvent pas les utiliser même pendant 2 jours. À la station King Star Buiza, ils n'avaient pas de véhicule qui attendait la distribution du carburant. À Nyakabiga, à la station qui se trouve à 9e avenue, quelques véhicules étaient alignés, mais ce qui nous a surpris est que les réservoirs de l'essence étaient couverts de sacs, croyant que la station ne fonctionne plus. Les gens qui ont des véhicules demandent à ceux qui sont chargés à la distribution du carburant de trouver solution à ce problème du manque du carburant et souhaite que le transport de ce produit soit effectué par bateau ou augmenter le nombre de transporteurs par camion pour voir comment résoudre ce problème. Jean-Marie Mayonga, le ministre de l'Intérieur, déclare avoir déjà reçu les propositions de la Commission électorale nationale indépendante sur les dispositions qui devraient être révisées dans le code électoral. Martin Itelete indique qu'il prévoit de rencontrer les membres de la CENI et des partis politiques pour d'autres éventuelles propositions en rapport avec les innovations du code qui régira les prochaines échéances électorales en 2025 et en 2027. Et plus de 17 milliards de francs burundais sont rentrés dans le trésor public à travers le ministère de la Justice au cours de l'exercice 2022-2023, annonce de la ministre de la Justice lors de la présentation des réalisations ce mercredi. La ministre Domine Banyankimbona indique aussi que les prisons ont organisé des activités génératrices de revenus dans le but de lutter contre l'oisiveté des prisonniers et de les préparer à la réinsertion sociale une fois acquittés. Différentes prisons ont organisé des activités génératrices de revenus, ceci pour lutter contre l'oisiveté des détenus et les préparer à la réinsertion. Ainsi, les travaux initiés dans les établissements pénitentiaires sont notamment la lisiculture, la plantation des palmiers à huile, la plantation des tomates et du thé, la production du savon ainsi que l'élevage de vaches et de chèvres, sans oublier les activités de couture et de menuiserie qui se réalisent au niveau des prisons. Dans le domaine foncier, le ministère de la Justice a entamé une sensibilisation de la population pour l'enregistrement des terres. C'est dans ce cadre que 7890 titres de propriété ont été délivrés par la direction des titres fonciers et du cadastre national, ce qui a permis à cette direction à réaliser des entrées au trésor public d'un montant de 13 657 720 1487 francs burundais. Les autres secteurs de la justice, comme celui en charge de la lutte contre la corruption et les autres services judiciaires, les administrations personnalisées et les services centraux, en persis pour le compte du Trésor public en montant de 3 527 776 097 livres burundais. Ainsi, le total des montants versés sur le compte du Trésor public au cours de l'exercice budgétaire 2022-2023 s'élève à 17 173 883 584 francs burundais. Domine Banyankimbona, c'est la ministre en charge de la justice. Plus de 11 000 personnes burundais et étrangères ont été identifiées par la commission Vérité et Réconciliation comme ayant sauvé des vies humaines pendant la crise qu'a connue le Burundi en 1972. Cela a été dit ce mercredi par le président de la dite commission lors d'une conférence publique qu'il a animée. De leur côté, les rescapés expriment leur sentiment de remerciement tout en demandant aux autres Burundais d'avoir l'esprit de sauver les gens en danger. Les détails dans ce reportage de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Certains rescapés de la crise qu'a connue le Burundi en 1972 remercient sincèrement ceux qui ont sauvé leur vie. Honorable Firmin Nahayo évoque le curé de la paroisse Makebuko de cette époque, Charles Gahebe, qui l'a sauvé alors qu'il était déjà dans les mains de ceux qui voulaient le tuer. Quant à Maître Fabien Segatwa, les archevêques Joachim Luhuna et Evariste Nguyagoye l'ont caché dans un lieu sûr alors qu'il était sur la liste déjà à assassiner. Plus de 11 000 personnes burundais et étrangères ont été identifié par la sévère comme ayant sauvé des vies humaines pendant cette crise de 1972, indique Pierre Claver Ndaïchalier, président de la commission Vérité et Réconciliation. Les effectifs déjà atteints au niveau provisoire, nous sommes à plus ou moins 11 000 sauveteurs reconnus comme tels parce que racontés par les rescapés. Mais j'ai précisé, quelqu'un peut sauver deux personnes en Ngozi centre et faire tuer 20 personnes non loin de Ngozi, à Musenyi ou à Kiremba. Ces gens-là, la CVR ne les appelle pas des sauveteurs. Ambassadeur Pierre Ndaïchalier exhorte les Burundais d'avoir l'esprit de dignité et d'humanité, comme ceux qui ont sauvé les proches malgré la différence ethnique. On est bien vu, on parle du bien du sauveteur. Parce que c'est encore une fois la notion de dignité de Wulu Shinganahe. Quelqu'un a sauvé, il faut vanter ses valeurs d'humanité et d'humanisme. Deuxième perception, c'est des tueurs dans le voisinage qui considèrent que le sauveteur devait se comporter comme eux. Dans le voisinage, oui, vous allez cohabiter, mais vous créez une sorte de flottement entre l'image du tueur et l'image du sauveteur. La cohabitation n'est pas toujours facile. Troisième perception, c'est quand les gens dans la communauté doutent, s'interrogent en disant « Est-ce qu'il n'a pas sauvé pour tel intérêt matériel ?» En don d'une vache, de l'argent ou en autre intérêt, non nécessairement divulgué dans la communauté. Le président de la CVR fait savoir que la commission compte mener une identification de toutes personnes qui ont été tuées dans les différentes crises qu'a connues le Burundi et ceux qui ont sauvé des vies humaines pendant cette période. Et tout cela conformément à l'article 6 de la loi législative de la commission Vérité et Réconciliation qui a été promulguée en 2018. Isanganiro. Un homme de 39 ans, originaire de la colline Kavumu en commune province Kayanza, est gardé sur son lit d'hôpital depuis vendredi dernier après s'être chamaillé avec sa femme la nuit de jeudi. Sa femme lui aurait fait très mal sur son appareil génital qui ne cesse de saigner. L'administration collinaire Kavumu le confirme et précise que le couple vivait dans de perpétuels conflits conjugaux. La victime, qui est gardée par la police à l'hôpital Kayanza, demande que des enquêtes puissent être enclenchées d'une façon impartiale. De Kayanza, Patrick Saint-Guillaume. Selon des informations fournies par la victime du conflit conjugal qui a eu lieu entre son couple marié de la colline Kavumu en commune et province Kayanza la nuit du jeudi passé, la journée, la femme s'est allée prendre de l'argent dans une association d'épargnés de crédit et l'a reçu de l'argent cotisé sous 3 noms, alors que son mari ne connaissait qu'un seul nom. En se chamaillant alors, la femme a tiré par force la partie génitale de l'homme et celui-ci est depuis l'après-midi du vendredi passé gardé à l'hôpital Kayanza pour subir des soins où il est aussi sous-garde policière, raconte lui-même la victime. Ces informations sont confirmées par Nizigimana Nicodème, le chef colonel Kavumu. Celui-ci ajoutait d'ailleurs que le couple vivait dans des conflits conjugaux incessants, bien que l'administration, la communauté et leur famille n'aient ménagé aucun effort pour les conseiller à bien collaborer et s'entendre dans la gestion des biens de la famille. Boniface Ndouimana, président de l'association Oman de Tressa Kayanza, qui milite pour la lutte contre les violences basées sur le genre faites aux hommes, fait savoir que les violences conjugales entre les mariés sont une réalité en cette province. Pourtant, le président de l'association Hommes en détresse déplore la lenteur de l'exécution du jugement des procès relatifs aux violences basées sur le genre faites aux hommes par rapport à l'exécution des jugements des procès relatifs aux violences basées sur le genre faites aux femmes par l'appareil judiciaire à Kayanza. Au niveau de la police en commune Kayanza, l'on dit être au courant de la violence conjugale qui a eu lieu le jeudi passé entre le couple marié de la colline Kavumu, mais se réserve de tous ses commentaires sur le fait que le mari est sous garde des policiers à l'hôpital de Kayanza et que la femme est encore libre. Depuis Kayanza, Patrick Nsengyo va pour la radio Isanganilo. Actualité internationale. Le président iranien Ebrahim Raisi a été reçu ce mercredi matin par le président kényan William Ruto. Cette visite au Kenya s'inscrit dans une tournée africaine de 3 jours. Téhéran tente de rompre son isolement diplomatique en trouvant de nouveaux partenaires politiques, sécuritaires et économiques pour contourner les sanctions américaines. Selon le chef de la diplomatie iranienne, des documents seront signés lors de cette visite pour officialiser la coopération entre l'Iran et le Kenya dans divers domaines. Le Kenya est la première étape de la tournée africaine du président Raisi, qui se rendra également en Ouganda et au Zimbabwe pour poser les bases d'une coopération politique et commerciale avec les trois États africains. Et les infrastructures sportives de la CAN 2024 qui aura lieu du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d'Ivoire seront prêtes en août, ont annoncé mardi à Abidjan un responsable de Confédération africaine de football CAF et le ministre ivoirien des sports. En plus des 6 stades de compétition dans 5 villes, Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro, il est également prévu 24 terrains d'entraînement aux normes de la CAF, soit 4 terrains par stade. Avant la CAN, l'instance confédérale organisera la Ligue des champions féminines en Côte d'Ivoire pour tester les installations afin d'organiser la meilleure CAN possible. Parle, rassure-moi. Les influenceurs sur les réseaux sociaux ont un grand rôle à jouer pour limiter les messages haineux, surtout sur ces réseaux. Une explication d'une défenseuse des droits de femmes et influenceuse, Inès Kidacharira, appelle d'autres influenceurs à agir en étant conscients de la portée de leurs mots. Ils sont plus suivis car jouissant d'un certain niveau de popularité. Mireille Kanyang. Un influenceur sur les réseaux sociaux et toute personne qui communique, explique Inès Kidacharira, militant pour les droits de la femme et influenceuse sur les réseaux sociaux. C'est toute cette personne qui communique. Déjà, la personne qui communique ou partage son opinion est peut être déjà considéré comme influenceur. Parce que si, par exemple, je te dis, j'ai été à tel restaurant, il servait de bonnes choses, implicitement, je t'encourage à aller dans ce restaurant-là. Donc, la personne qui communique déjà, par essence, peut être considérée comme influenceur. Alors, il y a des chiffres, cette fois-ci, qu'on peut considérer, surtout si on veut faire un peu de marketing digital ou classifier le niveau d'influence des personnes qui communiquent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est autre chose. Mais déjà, si tu as une personne et que tu postes quelque chose et que la personne répond, tu es plus influenceur que la personne qui poste pour 5000 personnes et personne ne réagit à ce qu'il a donné comme message. La société est réceptive aux messages postés sur ses réseaux car la société est réceptive aux messages postés du moment que ceux qui lisent la personne peuvent vouloir s'identifier à elle. Je pense que la société est réceptive à ce qui est visible ou à ce qui est audible. Alors, si une personne ne parle pas, ne partage pas son opinion, tu ne peux pas savoir ce qu'elle pense. Mais si la personne partage ce qu'elle pense, il y a un peu ce qu'on appelle la résonance. qui fait que voilà, tu finis par t'identifier en fait à la personne. Et c'est de là, en fait, que vient l'influence. Tu vas te dire, OK, je sais, Inès, elle pense comme ça, elle dit ça. Alors, je m'identifie à elle un peu dans sa façon de penser. Le Burundi étant un pays post-conflit, les influenceurs ont un grand rôle à jouer pour limiter les messages haineux. Et il faut doser les mots. Conseil Inès Kidacharira. Les influenceurs peuvent agir en étant conscients de la portée de leurs mots. Parce qu'il est important que chaque personne qui communique, qui parle, soit conscient de la teneur des mots qu'il peut partager. Et ça, j'ai l'impression que beaucoup de personnes peuvent l'oublier, mais les mots que nous sortons, les mots que nous écrivons, sont des mots qui s'adressent à des personnes, et c'est des mots qui véhiculent des émotions, ou qui peuvent susciter des émotions, ou qui peuvent blesser, ou qui peuvent aider les personnes à se construire. Alors, cette conscience, d'abord, doit se construire au niveau des personnes qui ont de l'influence, qui parlent à un large public. Il faut que la personne qui se réclame influenceur soit consciente de la portée des mots ou des idées qu'elle peut transmettre sur les réseaux. Les influenceurs peuvent être identifiables et être poursuivis pour injure et calomnie, raison pour laquelle elle appelle d'autres influenceurs à user des bonnes manières sur différentes plateformes de réseaux sociaux. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimane. Yeah.